souviens-tu, Sarah? On n'a pas eu le temps, lorsqu'on était enfant, de connaître l'enfance. Si le monde était fou, il n'y avait pas chez nous de cornes d'abondance. Nous rêvions des festins dont parlaient les anciens jusqu'au jour qui se lève. Mais au petit matin, devant un bout de pain, nous regrettions nos rêves. Mais il y avait de l'amour plein la maison, ça tenait chaud quatre saisons. Un soleil dans la nuit noire, il brille encore dans ma mémoire. Mais il y avait de l'amour plein la maison, il y avait mille caresses, il y avait tant de tendresse que j'en suis riche. Pour mille vies, t'en souviens-tu, Sarah? On n'a pas eu le temps, lorsqu'on était enfant, de connaître l'enfance. On devient vite grand, s'il faut donner comptant sa vie pour l'existence. Qu'elle était loin la mer, et quand venait l'hiver, était loin la montagne. Hanouka ou Noël, c'était le froid, le gel, notre mât de cocagne. Mais il y avait de l'amour plein la maison, ça tenait chaud quatre saisons. Un soleil dans la nuit noire, encore dans ma mémoire. Mais il y avait de l'amour plein la maison, il y avait mille caresses, il y avait tant de tendresse que j'en suis riche pour mille vies. Je m'en souviens.